Bonjour et bienvenue dans Exquise Esquisse. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un comédien qui est irrésistible, imaginatif et insolent. Alors, il va falloir que je reste un peu sur mes gardes. Gilles Fleischmann. Bonjour Gilles. Bonjour Catherine. Donc Gilles, tu es irrésistible. Bah, écoute, des fois on me le dit. je ne sais pas si c'est vrai. Ah, tu sais pas. Non, bon. On va pas. Tu es imaginatif. Oui, j'essaye. J'essaye, dans l'occurrence, surtout quand je fais du théâtre. Oui, j'essaye de l'être. Oui, et tu vas nous en parler. Et tu es insolent. On peut, sur scène uniquement. D'accord. Jamais dans la vie. Alors, parle-nous de ton statut de comédien, de ton activité théâtrale. Alors, je suis comédien amateur depuis 25 ans maintenant. Je suis le président d'une troupe de théâtre donc, qui s'appelle le CRI, le collectif des retraités irrésistibles, imaginatifs et insolents. Et voilà, vous savez tout maintenant. Voilà, que j'ai créé en 2019. Je fais également partie de la compagnie Les Artalistes, qui est une compagnie qui a été créée par Nathalie Smith-Love, qui est une comédienne de Tours, il y a 2 ans. Et je fais également un petit peu de cinéma, court-métrage, avec l'association Jouer Images de Tours, de Jouer les Tours. Oui, qui est une association de photos et de vidéos. C'est ça, que tu connais bien. Que je connais, effectivement. ça, c'est mon activité donc, de retraité, puisque vous l'avez compris, je fais partie d'un collectif de retraités. Et alors, est-ce qu'il y a longtemps que tu fais du théâtre ? Alors, il y a 25 ans que je fais du théâtre. Qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre ? Qu'est-ce qui me plaît dans le théâtre ? Le fait d'être sur scène, en fait. D'être sur un plateau, on peut être qui on veut. C'est formidable. On peut être quelqu'un d'odieux, quelqu'un d'insolent. Oui. On peut être une femme, on peut être un enfant, on peut être un vieillard. Enfin voilà, on peut être tous les personnages que l'on veut et ça, je trouve ça, moi, fascinant. Oui, c'est assez fabuleux. Et il y a aussi l'échange avec le public. Également, évidemment. Évidemment. Je ne vais pas me cacher que quand on reçoit des applaudissements, ben bien sûr, ça porte, évidemment. Évidemment. Et puis les dialogues avec les spectateurs aussi à la fin des spectacles, ça aussi c'est très très enrichissant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et alors ton expérience avec le cinéma ? Alors mon expérience avec le cinéma, j'ai fait quelques courts-métrages déjà où j'habitais avant. J'habitais à Angers, j'ai eu l'occasion de faire quelques courts-métrages. Et puis là, c'est un petit peu par hasard où j'ai rejoint ce dernier court-métrage-là. J'ai reçu un message sur lequel il leur manquait un comédien. J'ai dit « bon, oui, si vous voulez ». Et puis voilà, je m'attendais à un tournage sur une scène une seule fois. Et puis en fait, je suis sur tout le tournage. C'est un très joli court-métrage qui traite de l'alcoolisme. Et toutes les dérives, tout ce que ça engendre derrière. La fin est assez tragique, mais on ne va pas la dévoiler, évidemment. Et c'est un très beau personnage. Je suis très content d'interpréter ce personnage qui, comme je disais, comme au théâtre, on peut interpréter toutes sortes de personnes. Donc là, je vais faire un alcoolique qui... Voilà. Donc, et alors, la différence entre la scène et la caméra, est-ce que tu... Il n'y a pas d'interaction avec le public au cinéma. Et ça, c'est pas du tout le même travail, en fait. Au cinéma, on peut tourner la dernière scène en premier, puis après celle du milieu, et puis enfin, il n'y a pas forcément de cohérence sur le déroulé de l'histoire. C'est plus lié aux intempéries, au temps, à la lumière, voilà, qu'au théâtre, on file, voilà, on avance scène par scène, et puis le jour du... Et puis à chaque fois qu'on joue, c'est une autre émotion, à chaque fois. On découvre notre personnage, en fait, au fur et à mesure que l'on joue. J'ai eu la chance de jouer une pièce 22 fois, et c'est au bout de la 15e où j'ai senti que, voilà, mon personnage le tenait. Ça y est, il était là. Voilà, on n'a pas ça au cinéma, malheureusement. Malheureusement. Alors, en plus de ton activité de comédien, hein, je crois que tu t'occupes pas mal de la gestion un peu, de la communication de tes compagnies. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement ? En fait, notre compagnie fait partie d'une fédération nationale qui s'appelle la FNCTA, Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur, qui est découpée en régions, et en département. Donc au sein de notre département, je prends mon bâton de pèlerin, je vais pas dire quotidiennement, mais très souvent, presque. Je vais voir des pièces de théâtre de compagnie amateur, affiliées ou non. Et toutes les troupes qui ne sont pas affiliées, bah, j'essaye de leur vendre l'intérêt d'affilier à une fédération. Et alors, quel est cet intérêt ? Alors, l'intérêt, en fait, il y en a plusieurs. Il y a des stages qui sont organisés, déjà, des stages de toutes sortes, des stages de comédien, de mise en scène, sur la lumière, sur la direction d'acteur. Il y a un gros avantage également. Il faut savoir que les compagnies amateurs n'ont le droit de jouer que 8 fois une pièce écrite par un professionnel. Grâce à notre fédération, la FNCTA, on peut le jouer autant de fois qu'on veut. C'est un accord qui a été passé avec notre fédération et le groupement professionnel, donc la SACD, entre autres, mais pas seulement. D'accord. Et donc ça, c'est quand même un très gros avantage. Oui, c'est intéressant. Voilà. On a une aide juridique aussi, grâce à cette fédération. On a des réponses à quasiment toutes les questions qu'on peut se poser sur les droits d'auteur, sur les droits de musique, la SACEM, la SACD, etc. Donc c'est vraiment un support qui est très important. On organise localement des festivals, donc ça nous permet de jouer aussi. Il faut savoir qu'au niveau de notre département, il y a 2 ans, il y avait 13 compagnies d'affiliés. Aujourd'hui, il y en a 26. Donc on a doublé... Une belle progression. Voilà, on a doublé le nombre de compagnies adhérentes. Et bah ça, on est un petit peu fiers de ça. Et alors, quelles sont les conditions pour adhérer ? Alors, c'est des conditions financières, évidemment. Il y a une adhésion qui est à 120 euros pour l'année. Alors, il y a une adhésion troupe, donc qui est à 120 euros, et une adhésion individuelle. Donc, avec l'adhésion troupe, on a droit à 3 adhésions individuelles, et chaque adhésion supplémentaire est de 10 euros. L'adhésion individuelle permet aux comédiens de participer à des stages, de participer à des festivals en tant que comédien. C'est ça tout l'intérêt d'être adhérent. Il faut savoir que la FNCTA organise des festivals, il y en a, je sais pas, peut-être 50, 60, 80 festivals dans toute la France par an. D'accord, oui, c'est très intéressant. Oui. Et alors, qui contacte-t-on pour avoir plus de renseignements ou si on veut adhérer ? Alors, on peut contacter la présidente du comité Indre-et-Loire, qui est Madame Nathalie Smyslov. Donc, le contact par mail, c'est cd, donc Catherine Dominique, 37@fncta.fr. Vous aurez accès directement au contact de la présidente, qui pourra vous renseigner sur la fédération. D'accord, ben merci Gilles pour tous ces renseignements sur le théâtre. Et maintenant, je vais te poser des questions qui te concernent. Alors, ne t'inquiète pas, ce sont des questions un peu ludiques. D'accord. Donc, tu fais du théâtre. Alors déjà, est-ce que tu fais autre chose ? Du théâtre et du cinéma, mais est-ce que tu fais autre chose ? Je fais du sport. Ah, quoi comme sport ? Je fais du padel. D'accord. Attends, je précise, padel raquette, padel tennis. D'accord. Pour confondre avec, sur la Loire, le padel. C'est le padel. Padel, voilà. D'accord. C'est-à-dire, c'est dans une salle. C'est dans une salle. C'est un mix entre le tennis et le squash. C'est-à-dire qu'il y a des murs en verre et on peut laisser la balle rebondir sur les murs en verre pour la reprendre après. Donc c'est très ludique. Alors on apprend très vite à y jouer. C'est très agréable. D'accord. Tu t'amuses bien, quoi. Oui. Pour toi, Gilles, c'est quoi une journée idéale ? Une journée idéale, c'est pouvoir me lever à l'heure que je veux. Ça, c'est le grand bonheur d'être à la retraite. Je me lève quand j'ai envie, voilà, quand j'ai pas d'impératif le matin. Ça, c'est parfait. Une partie de padel l'après-midi, une répétition de théâtre le soir. Et voilà. Tout va bien. Et tout va bien. Quel jour de ta vie aimerais-tu vivre encore une fois ? Ah, la question piège. Même pas prévenu de ça. Jour très particulier, le jour où j'ai rencontré ma dernière compagne. D'accord. Et tu peux nous en dire un peu plus, c'est vraiment oui. Secret. Non, c'est pas secret du tout. C'était lors d'un festival de théâtre où j'étais bénévole sur ce festéa. Elle était dans le jury. Et on a eu une belle rencontre. On s'est retrouvés sur sur une ligne médiane, dans une salle, parce qu'il y avait un jeu qui était organisé. On n'était que tous les deux sur cette ligne médiane, et j'étais devant elle, je me suis retourné pour la laisser parler avant moi, et voilà, et après on ne s'est plus quitté. C'est magnifique. Oui. Ça aurait été dommage de ne pas le raconter. Elle le raconte beaucoup mieux que moi. Si tu avais le choix, avec qui ou avec quoi aimerais-tu échanger ta place pour une journée ? Alors ça peut être une personnalité ou un animal ou un objet. Ou... Là, comme tu es imaginatif. Bah, évidemment, avec un personnage de théâtre, je pense à des personnes comme Michalik qui me fascine dans ses mises en scène. Oui, je pense que ça serait vraiment une journée. Ouais, remplacer peut-être un grand personnage de théâtre, oui, peut-être même Molière, je sais pas. Une journée de Molière, peut-être, qui devait pas être très rose d'ailleurs ces journées, mais pourquoi pas. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu aimes chez toi, Gilles ? Tu es irrésistible. Attends. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Irrésistible, imaginatif et insolent. Qu'est-ce que tu aimes d'autre chez toi ? Parce que j'imagine que tu aimes être ça. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que j'aime d'autre chez moi ? Ce ne sont pas simples tes questions, en fait, quand elles ne sont pas préparées. Ben oui. Ah, ben oui, c'est le but, tu viens de dire. C'est le but, c'est le but. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, hein, laisse-toi ? Ben, j'aime mon dynamisme. Voilà, le fait de me dire, de toute manière, mon optimisme, surtout. Voilà, mon optimisme. On va y arriver. Voilà. C'est une belle qualité, ça. Ouais. C'est une belle qualité. Ouais. Est-ce que tu en as deux autres à me citer comme qualité ? Je vais te faire comme un entretien d'embauche. je suis têtu. non, d'autres qualités. Je crois que j'ai une âme très sensible. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, c'est un fort trait de ma personnalité. D'accord, mais je pense que c'est une qualité. Enfin, c'est mon point de vue. Je pense aussi. C'est mon point de vue. Qu'est-ce qui te rend joyeux, Gilles ? Alors, il y a une chose que j'adore quand je suis chez moi. On n'est pas auprès de la mer, mais quand j'entends les mouettes le soir passer, ça, j'adore. J'ai l'impression d'être au bord de la mer, et ça, oui. Ça, c'est un vrai bonheur. Oui, j'aime bien le bord de mer. J'aime bien, je passe tous mes 1er janvier au bord de mer. Donc oui, j'aime beaucoup, mais particulièrement entendre les mouettes à un endroit où on n'est pas au bord de la mer en plus. Oui, au bord de la mer, c'est bon, voilà, c'est banal. On les entend, c'est normal. Que ouais, quand elles passent au-dessus de la maison, ouais, ça c'est j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te rend enthousiaste ? Une prochaine représentation. D'accord. Qu'est-ce qui te rend triste ? De rater la représentation. Ça t'arrive ? Eh oui, malheureusement. On n'est pas à l'abri. Et qu'est-ce qui te met en colère ? L'incompétence. Ça m'énerve. Je peux être insolent. Oui, dans ces cas-là. D'accord. Es-tu parfait ? Bien sûr. Alors, très intéressant. As-tu déjà écrit une lettre d'amour ? Oui. Oui. Et si tu t'écrivais à toi-même une lettre d'amour, qu'est-ce que tu t'écrirais ? Tu es tellement irrésistible. Ça, c'est une phrase. Hein. Ah non, mais moi, je ne sais pas écrire. Ça, c'est une chose que je ne sais pas faire. J'admire les gens qui... j'ai reçu il n'y a pas longtemps une pièce de théâtre par une copine. Ça, c'est une chose que je ne sais pas faire. Je ne peux pas te dire une lettre comme ça en 2 minutes. C'est impossible pour moi, ça. Quelle est ton actrice préférée ? J'aime beaucoup Karine Viard. Ton acteur préféré ? Actuellement, alors j'aimais beaucoup Arditi. Je suis en train de chercher son nom, un nouveau comédien là qui émerge énormément, avec un accent à couper au couteau, un peu du Nord, un peu de la banlieue. Quentin Dupieux, par exemple. On va continuer dans les artistes de scène. Ton chanteur préféré ? Il ne chante plus, mais ça a longtemps été Jean-Jacques Goldman, évidemment. Et ta chanteuse préférée ? J'aime beaucoup Mylène Farmer. Et ta chanson préférée ? Alors, ma chanson préférée, c'est une chanson de Phil Collins, One More Night. On l'écoute, ta. I've been trying. Voilà, c'était Phil Collins, One More Night. Alors, pour finir, Gilles, peux-tu donner ta définition de la vie ? Être heureux. Se rendre la vie facile et heureuse. Profiter de la vie. Profiter des instants qu'on peut avoir tous les jours de petits bonheurs. Oui. Faire attention, justement, à être conscient des petits bonheurs qui nous entourent. Oui, tout à fait. Merci, Gilles. Merci, Catherine.